Section 16 de La conspiration des milliardaires par Gustave Guitton et Gustave Lerouge. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Une découverte de Tom Punch. Quoique occupé de sujets moins élevés que son savant patron, Ned Addison, Tom Punch ne perdait pas une minute de son temps. Il se signalait à sa manière par un déploiement d'ardeur, une dépense d'activité toute américaine. Il était maintenant populaire dans les diverses académies culinaires de Paris. Sa bonne humeur, intarissable, la facilité avec laquelle il organisait de ses deniers de vastes agapes gastronomiques, lui avaient gagné tous les cœurs. Il commençait à devenir ce qu'on appelle bien parisien. L'oncle Tom, comme on l'appelait en petit comité, avec sa face de jour en jour plus rubiconde et sa bedaine que n'eût pas désavoué Gargantua, était partout excellemment accueilli. Des volumes ne suffiraient pas pour énumérer les plats inédits, les pâtés extravagants et les tourtes originales dont il régalait ses fidèles. Lucullus, le plus gourmet des Romains, n'eût été auprès de lui qu'un petit garçon. Et il éclipsait Vatel, Carême et Bria Savarin. William Bolton aurait pu se faire une bibliothèque avec les recettes que lui adressait chaque semaine son fidèle majordome. Assez philosophe dans presque toutes les choses de la vie, Tom Punch devenait en matière de cuisine enthousiaste et presque illuminé. Alors, comme tous les prophètes, depuis Mahomet jusqu'au zouave Jacob, il se révélait insupportablement tyrannique. Il ne fallait pas, par exemple, lui parler de sauce verte pour un saumon, si, dans sa sagesse, il avait décrété de l'arroser de madère et de le saupoudrer de ravensara et de gingembre râpé. Il se campait alors, un poing sur la hanche, et foudroyait son interlocuteur, confondu, avec un regard de mépris digne du roi Louis XIV lui-même. Au demeurant, le meilleur fils du monde. Il était si comique lorsqu'à grand renfort de gestes, il secouait son gros ventre de bon vivant. Il expliquait ses théories que, même les professeurs en bonnet blanc qu'il prenait plaisir à contrecarrer, ne lui gardaient aucune rancune de son arrogance et de son parti pris avéré dans les discussions. D'ailleurs, les plus terribles altercations finissaient toujours par un banquet où se discutaient, au milieu des toasts, les mérites respectifs des concurrents qui avaient élaboré chacun leur plat. En peu de temps, il fut à la tête de plusieurs diplômes de maître cuisinier qu'en dépit des remontrances de Ned Addison, il fit encadrer de baguettes dorées trois fois trop larges. Cependant, Tom Punch était entré dans une voie toute nouvelle et il avait fait part de ses projets aux commensaux habituels des cours de cuisine. Un matin, il était arrivé, la mine réjouie et l'air tout glorieux. « Je viens d'avoir une idée véritablement extraordinaire » s'était-il écrié, sans même prendre le temps de s'asseoir. « Voyons, Moussu Tom, » dit Caraboudou, maître coque-nègre à la denture éclatante, en mission à Paris pour le compte d'un souverain de l'Afrique centrale, au service duquel il avait contracté un goût néfaste pour l'alcool à brûler. « Qu'avez-vous découvert ? Depuis votre pâté de homard au curry, je ne m'étonne plus de rien. Serait-ce par hasard le moyen de convertir l'eau en gin ? Parlez, vous nous faites languir. » « Non, » dit Tom Punch, « ce que j'ai projeté est plus simple. J'ai là, » dit-il en s'appliquant sur le front une forte claque, « une idée philanthropique et, ce qui ne gâte rien, une fortune. » « Quelqu'un de Dios !» interrompit un Marseillais pur sang, frisé comme un caniche et qui roulait les airs avec une maestria furibonde. « Une fortune ? Mais si vous avez découvert quelque chose, il faut aller à Marseille, mon bon. « Ah, Marseille !» fit-il en levant les yeux extatiquement. « Parlez-moi de Marseille pour y faire sa fortune, coquin de sort !» Les assistants étaient assez tentés de demander à l'enthousiaste méridional pourquoi, s'il était si facile de s'enrichir à Marseille, il n'y était pas resté, au lieu de venir tenter sa chance à Paris, cette ville déshéritée qui ne serait encore qu'un petit Marseille si elle possédait une canebière. Mais on était encore bien plus pressé de savoir quelle nouvelle idée fantasque avait pu traverser la cervelle de l'Américain. Enfin, Tom Punch consentit à s'expliquer. « Je veux, commença-t-il d'un ton doctoral, initier les peuples du vieux continent à la dégustation de la tortue. Je rêve de démocratiser ce reptile, de faire pour lui ce qu'un de vos présidents, Harry IV, je crois, voulait faire pour la poule au pot. Aliments, friandises, médicaments, la tortue est un résumé, une synthèse. Grâce à moi, les marécages, les étangs, les mares et jusqu'aux rivages stériles de l'océan rapporteront des sommes énormes et le bien-être pénétrera dans les classes sociales jusqu'ici déshéritées. Mais je viens au fait. Vous connaissez tous cet animal. Vous savez que sa chair, après des préparations convenables, n'est pas indigne de figurer sur la table d'un prince, que dis-je, sur celle d'un milliardaire américain. Depuis fort longtemps, la tortue était devenue le sujet de mes observations. Sans être farci de ces idiomes barbares, qu'on appelle le grec et le latin, j'ai certaines connaissances scientifiques qui m'ont permis de découvrir, chez les tortues, des propriétés nutritives et médicales que personne n'avait soupçonnées. Ces propriétés, toutes les possèdent, depuis la gigantesque tortue éléphantine jusqu'à la petite tortue des marais que les dames portaient quelquefois en bijoux, en passant par la tortue marine ordinaire, si savoureuse dans les potages, et le carré qui fournit la blonde écaille de leur peigne aux élégantes mondaines. Partant de mon idée, je vais organiser en grand l'élevage de la tortue. Je vais entreprendre la fabrication des conserves et surtout celle d'un certain sirop qui guérira la plupart des maladies et dont le goût sera délicieux. J'en veux voir, avant 6 mois, chez tous les épiciers et dans toutes les pharmacies. Du coup, personne n'aura plus besoin de médecin, fit naïvement le nègre Boubou, qui ne comprenait pas très bien. Ce sera comme chez nous, où les sorciers guérissent toutes les maladies avec leur gris-gris. Pourquoi pas, dit un autre, en riant, du sirop de crapaud et de l'élixir de chauve-souris, comme au Moyen-Âge. Le crapaud, la chauve-souris, fit Tom Punch, sans même s'apercevoir de la raillerie. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. Je verrai cela plus tard. » Et il ajouta orgueilleusement. « Il y avait une science nouvelle à créer, et je l'ai trouvée. Mon nom restera attaché à la gastronomie médicale. » Et sur ces mots, l'enthousiaste majordome sortit précipitamment, comme s'il n'eût pas eu le moyen de perdre une seule minute pour la réalisation de ses beaux projets. Il laissa ses auditeurs atterrés et bien près de croire qu'il était subitement devenu fou. Quant à Karaboubou, il tenait Moussu Tom Punch en haute estime. Il était absolument convaincu. Pour commencer, Tom Punch avait acheté une vingtaine de tortues au hall, et les malheureuses bêtes, dépouillées de leurs carapaces, étaient allées bouillir dans de vastes marmites. Elles avaient été hachées, découpées, pressurées, passées au mortier pour se retrouver finalement en bouteille sous forme de liquide diversement coloré. Le majordome exultait. Il était maintenant convaincu de l'importance de sa découverte. Et il se proposait de l'offrir généreusement au gouvernement américain pour la nourriture, hygiénique et bon marché, des soldats et des marins. Baptisés de noms pompeux, ces extraits de tortue avaient fort bonne mine dans d'élégantes fioles de verre ouvragées que Tom Punch avait disposées symétriquement sur des rayons. La nouvelle manie de son intendant avait fait sourire Ned Addison sans qu'il attachât d'autre importance à cette médication amphibienne. C'était maintenant, rue d'Assas, une continuelle allée et venue de courtiers que Tom Punch s'était attaché pour lancer et propager le nouveau médicament. Ceux-ci flattaient naturellement ses idées. Ils n'émettaient jamais de doute sur la réussite de l'affaire. Le succès, la célébrité et la fortune apparaissaient au majordome dans ses rêves émergeant des fourneaux et des alambics. Il voulut entreprendre l'industrie en grand, sans prévenir personne, et commanda de suite, en Afrique, un chargement de 10 000 tortues. Un beau matin, justement le jour où s'était produit son altercation avec Olivier Coronal, Ned Hattison, en rentrant chez lui, aperçut devant sa maison plusieurs voitures de la compagnie PLM qui stationnaient. D'immenses caisses à claire-voie, empilées les unes sur les autres, montaient jusqu'à la hauteur du premier étage. Tom Punch semblait fort occupé à discuter avec les camionneurs. Les bras au ciel, il s'évertuait à les convaincre. Mais ceux-ci, leur feuille de livraison à la main, ne semblaient rien entendre. « Ah ça! Voyons, Tom Punch, qui a-t-il donc? Est-ce un nouvel envoi de mon père ?»« Mais non !» gémit piteusement le majordome. « J'ai eu l'imprudence de commander quelques tortues en Afrique, et voilà que l'on prétend m'obliger à les installer ici. Mais je me trouve pris au dépourvu. Je ne peux cependant pas les mettre dans ma chambre. Il y a bien encore le jardin, mais j'ai peur qu'elles n'y fassent des ravages. Je ne sais pas du tout que faire. » La surprise de Ned Hattison était telle qu'il ne put tout d'abord proférer une parole. « Comment ? » fit-il après avoir embrassé d'un coup d'œil l'échafaudage de caisse. « Tu appelles cela quelques tortues ? Combien donc y en a-t-il ? » « 10 000, monsieur, » fit l'employé du chemin de fer. « 10 000 tortues ? Tu as commandé 10 000 tortues ? Mais es-tu devenu fou par hasard ? Et tu crois que je vais ouvrir ma maison à cette armée qui va tout saccager et ne laisser subsister ni une fleur, ni un brin d'herbe ?»« mais non !» dit Tom Punch. « Je sais bien que cela ne se peut pas. D'autre part, les laisser plus longtemps empilés comme des harengs, c'est les exposer à une mort certaine. Ce serait pourtant dommage, » fit-il, en se frappant le front de désespoir. « En vérité, je ne sais quel parti prendre. »« Mais voyons, qu'en veux-tu faire ?»« Ce que j'en veux faire !» Et, devant les camionneurs ahuris, Tom Punch se mit à faire l'éloge de ses sirops et à vanter sa découverte. Du coup, Ned Hattison, quoique la scène du matin ne l'eût guère mis en joie, ne put retenir un large éclat de rire. « Alors, te voilà devenu pharmacien ? Mon pauvre Tom, je crois que l'air de Paris te tourne la tête. Sais-tu ce qui va t'arriver ? 10 000 tortues ! Quelle folie ! Pourtant, il faut prendre une décision, » fit Tom, qui s'arrachait presque les cheveux de désespoir. « Eh bien, veux-tu que je te donne mon idée ? Ce serait tout simplement, puisque tu as eu la folie de te mettre sur les bras cette cargaison d'un nouveau genre, de l'offrir au jardin d'acclimatation. » « Et mes sirops, et mes découvertes ?» protesta le majordome. « Croyez-vous que je puisse abandonner tout cela ?»« Certes non !» fit Ned Ryer. « Il faut bien mieux te remettre dans les griffes de la police, d'où j'ai eu toutes les peines du monde à te retirer le jour où ta lumineuse idée d'orner des couleurs américaines la fontaine du Luxembourg te traversa le cerveau. »« La police ?» s'écria Tom, qui, au seul souvenir de ses heures de captivité, se mit à trembler de tous ses membres. « Mais certainement. Crois-tu qu'on va te laisser, à ton aise, entretenir dans une ville civilisée une pareille armée de tortues ? De plus, tu seras certainement poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie. Tu vois que de tous côtés, ta situation n'est pas rose. Des ennuis de tout genre vont fondre sur toi. Et cette fois, je te certifie que je n'y pourrai rien faire. » Le pauvre Tom était abasourdi. Les camionneurs commençait à perdre patience, d'autant plus que, comme les deux hommes s'exprimaient en anglais depuis quelques instants, ils ne comprenaient rien à cette scène. « Eh bien, te décides-tu à suivre mes conseils, fit Ned, et à te débarrasser de tes tortues en faveur du jardin d'acclimatation ?» Mais l'émotion du majordome était trop forte pour qu'il pût répondre. Sans mot dire, il abandonna tout. Son sirop futur, les camionneurs, Ned, et franchit à grands pas la grille de la maison, où, la tête dans ses mains, il s'abîma dans sa douleur. Quelques jours après, les journaux apprenaient au public que, grâce à la générosité d'un savant naturaliste américain, le jardin d'acclimatation s'était enrichi d'une merveilleuse collection de tortues, de tous les types, de toutes les grandeurs. Bien que son nom, orné d'épithètes pompeuses, figura à côté de la désignation latine des tortues sur les plaques de tôle émaillées renseignant les visiteurs, Tom Punch fut longtemps à se consoler. Depuis lors, chaque fois qu'il confectionnait un bouillon de tortue, il devenait mélancolique en songeant à ses beaux projets si piteusement avortés. « Bah !» disait Ned en matière de consolation. « Tu aurais peut-être eu un jour ta statue. Pour un sage comme toi, cela ne vaut pas la satisfaction d'avoir assuré l'existence paisible à ces bestioles que tu destinais à l'alambic. » Malgré ses nombreux défauts et ses exploits malencontreux, le majordome avait conquis, peu à peu, la sympathie et la confiance de l'ingénieur. Il était en effet, à son égard, d'un dévouement à toute épreuve. Volontiers maintenant, Ned lui confiait ses inquiétudes et se laissait aller avec lui aux besoins d'expansion qui s'emparent, à certains moments, des âmes les plus fortes. Il lui avait confié son amour pour Lucienne, cette passion qui, chaque jour, augmentait d'intensité à mesure qu'il connaissait mieux, qu'il pouvait apprécier davantage la jeune fille. Il sortait souvent de chez M. Goldberg, les yeux humides, en proie à un trouble indescriptible. Il faisait alors, sans but, de longues promenades dans les rues de la ville endormie. Avouer à Lucienne l'amour qui le possédait tout entier lui semblait une chose impossible. Ses sentiments ne trouvaient pas de mots pour s'exprimer. Lui, le rigide jeune homme, au geste froid, à la parole brève, le savant à l'esprit audacieux, se sentait tout à coup rougir lorsque son regard rencontrait celui de Lucienne. Tout autre que lui se fut vite aperçu que de son côté, au cours de leurs entretiens, la jeune fille ne dissimulait pas sa sympathie. Souvent, pour cacher son émotion, elle se mettait à discourir, à tort et à travers, sur le premier sujet venu. Elle devenait capricieuse, tantôt plongée, des heures entières, dans une rêverie, tantôt riant aux éclats, sans plus de raison apparente. Incapable de s'analyser lui-même, Ned ne soupçonnait nullement les sentiments de la jeune fille à son égard. Pourtant, M. Goldberg suivait, d'un sourire malicieux, cet amour naissant qu'il devinait de part et d'autre. Le changement évident des manières de sa fille, coïncidant avec les visites assidues du jeune homme, ne lui avait pas échappé, non plus que le goût surprenant qu'elle s'était découvert tout à coup pour les choses d'Amérique. Mais il semblait n'avoir rien vu et attendait qu'elle s'en ouvrît. Le soir même de sa visite à Enghien, aux ateliers de la torpille terrestre, encore agité par la violence de son altercation avec Olivier Coronal, Ned Addison s'était rendu chez M. Goldberg. Un véritable combat s'était engagé dans son cerveau. Une lutte se livrait, tenace et terrible, entre ses convictions d'hier et ses sentiments d'aujourd'hui. Seul dans son laboratoire, il avait, le jour même, relu toutes les lettres de son père. Une révolte contre la mission qu'on lui avait imposée était montée en lui. Espion, tel était le nom dont l'avait qualifié Coronal, cet homme que, malgré tout, il considérait en lui-même comme un véritable savant, comme un exemple d'honnêteté. Était-ce donc là le titre qu'il avait mérité? Il s'interrogeait secrètement, avec angoisse. 3 mois auparavant, il avait trouvé tout naturel de mettre au service des milliardaires américains sa science et son intelligence, et d'aller observer, en Europe, à quel point en étaient les nouvelles découvertes pour en faire profiter la gigantesque conspiration qui se tramait à Mercury Spark. Aujourd'hui, il constatait qu'à cet égard, ses sentiments s'étaient modifiés, qu'il avait perdu en partie son assurance d'Américain et que son rigorisme mathématique se fondait au contact de la société française. Tout y avait contribué. Son amour pour Lucienne, l'estime dans laquelle il tenait M. Goldberg, et surtout cette scène d'Enghien, où pour la première fois, il s'était senti comme honteux de lui-même en face d'Olivier Coronal. La violence de ses paroles avait surtout été une façade pour cacher ce sentiment. Lorsque le domestique l'introduisit, M. Goldberg, allongé dans un fauteuil, écoutait la lecture d'un article scientifique que lui faisait Lucienne. À l'entrée du jeune homme, elle s'interrompit. Monsieur Goldberg lui tendit la main. « Continuez dans votre lecture, fit Ned, je ne veux pas vous déranger. »« Oh, ça n'a pas d'importance, nous avons tout notre temps. »« Mais au fait, cela vous intéressera peut-être. C'est le compte-rendu d'une communication que Monsieur Olivier Coronal vient de faire à l'Académie des sciences. » Le jeune homme se sentit pâlir. « Olivier Coronal, fit-il, la voix altérée, l'inventeur de la torpille. « Mais oui, lui-même, cela vous étonne ?»« Mais non, pas du tout. Et de quoi s'agit-il »« D'une chose fort intéressante, d'un nouveau téléphone grâce auquel la lumière transmettra les sons. »« Vraiment ?» s'écria Ned, chez qui s'effaça tout à coup la mauvaise impression causée par le nom de l'inventeur, et qui, savant avant tout, se laissa prendre tout entier à l'intérêt de ce nouveau principe scientifique. Mais alors, si la chose est exacte, c'est la communication interplanétaire à bref délai? Comme vous allez vite, fit Lucienne en riant. Décidément, vous serez toujours américain, au moins dans vos déductions. Vous croyez? Fit Ned pour dire quelque chose. Son esprit était ailleurs. Pendant quelques instants, il resta silencieux. Sur ce nouveau principe de transmission du son, son imagination brodait déjà d'innombrables conséquences qui venaient, l'une après l'autre, se classer dans son esprit. Comme son père, comme tous les Américains en général, il était plus apte aux applications pratiques qu'aux découvertes théoriques. Une réflexion lui vint. Cependant, fit-il, le son, qui de lui-même ne parcourt que 340 mètres à la seconde, peut-il être transporté par la lumière, qui, dans le même temps, parcourt des milliers de lieues ? La porte du salon s'ouvrit. « Monsieur Olivier Coronal vous expliquera peut-être lui-même son idée, car le voici justement. » En effet, l'inventeur pénétrait dans le salon. Sans remarquer le trouble de Ned, dont la figure s'était subitement décomposée, Monsieur Goldberg et sa fille s'avancèrent à la rencontre du visiteur. Les deux hommes échangèrent une vigoureuse poignée de main. Pendant ce temps, Ned avait reconquis son calme. En apercevant le jeune homme, Olivier Coronal, plus maître de lui, était resté impassible. Le sillon profond, qui barrait en deux son front, traduisait seul son émotion intime. Il s'inclina froidement devant l'ingénieur à qui M. Goldberg le présentait. Le savant ne connaissait naturellement pas le résultat de la visite de Ned aux ateliers d'Enghien. Aussi fut-il étonné de la froideur des deux hommes. Plus instinctive, Lucienne avait remarqué de suite, ou plutôt avait ressenti, l'hostilité sourde qui malgré tout perçait dans leurs regards. Voulant combattre la gêne que tout le monde ressentait, ce fut d'un ton enjoué qu'elle s'écria. Vous nous surprenez au milieu d'une conversation plutôt, comment dirais-je, voyons, aidez-moi donc, messieurs. Enfin, monsieur Ned Attison, à qui nous venons d'apprendre votre découverte, le téléphone lumineux, n'en était rien moins qu'à nous prédire, à bref délai, la communication interplanétaire. Mais oui, fit monsieur Goldberg, après ma locomotive sous-marine, qui, je l'espère, résoudra bientôt le problème de la communication entre les continents, il n'y aura pas de gens mieux informés que nous. » Le savant faisait appel à sa bonhomie sans parvenir à dérider personne. Assis en face l'un de l'autre, Olivier Coronal et Ned Addison, dont les violentes invectives échangées le matin bourdonnaient encore dans le cerveau, s'observaient à la dérobée. M. Goldberg reprit cependant. « Au sujet de votre découverte, M. Ned Addison nous demandait même comment vous aviez pu arriver à concilier les vitesses différentes du son et de la lumière. » Sans qu'un muscle de son visage, ni qu'une inflexion de sa voix trahît le sens caché de ses paroles, Olivier Coronal répondit. « Je ne crois pas de mon devoir de rien divulguer sur cette découverte, et je serais fort heureux si je réussis à la garder secrète, du moins pendant un certain temps. » L'inventeur dont l'humeur était d'ordinaire assez enjouée, était tellement grave en prononçant ces paroles. On sentait en lui tant de tristesse que le silence se fit dans le salon. Les yeux de Lucienne cherchaient ceux de Ned, comme pour lui demander une explication. Mais le jeune homme semblait absorbé dans une rêverie intérieure. Ses traits exprimaient une souffrance intime. Une atmosphère d'ennui et de mélancolie semblait avoir pénétré dans le salon avec l'inventeur. Ni la jovialité de M. Goldberg, ni la grâce mutine de Lucienne n'avaient réussi à la dissiper. Cela se sentait si bien que la jeune fille s'écria « Nous auriez-vous donc apporté le spleen, M. Coronal ?» L'inventeur leva sur elle ses yeux ravagés par une flamme ardente. « Mais non, mademoiselle, vous devez savoir qu'il est des heures dans la vie où la tristesse domine tout, même la haine, même l'orgueil, même l'intérêt. Les bras tombent de lassitude, parfois devant la vengeance. On souhaite être meilleur. On reconnaît l'inutilité des crimes. » En entendant ces mélancoliques paroles, Ned Addison sursauta d'étonnement. Il s'attendait à des allusions directes, à des paroles courroucées, et voici que seulement l'inventeur laissait voir une philosophique tristesse avec le dédain des hommes, de leurs œuvres et de leur vanité. Alors qu'il eût été prêt à combattre, à se défendre d'une attaque personnelle, il restait sans force devant cet altier dédain. « Voyons, messieurs, une tasse de thé, un cigare ?» fit Lucienne, qui rentrait avec un plateau chargé. Pour la première fois depuis qu'ils étaient en présence, Olivier et Ned se regardèrent en face. Leur mutuelle pensée de prendre congé de M. Goldberg et de sa fille pour ne pas prolonger cet entretien ne dura qu'une seconde. Malgré leur discorde et l'abîme profond qui les séparait, ils se devinèrent, hommes supérieurs dans ce regard et faits pour s'entendre sur beaucoup de questions. « Volontiers, mademoiselle, » dit Olivier Coronal en se tournant vers Lucienne. Fin de la section 16, lue par Isad, quelque part en France.